Chapitre 20. L'audience. Une rumeur s'élevait dans la rue, la rumeur d'un train qui descend de la colline d'Aume à travers la plaine. Les voisins, tous ensemble, plus nombreux que le jour du tirage au sort, s'ébranlaient pour se rendre à la justice de paix. C'était un troupeau que Campal, en vrai chien de berger, harcelait de taquineries et de rires. Au milieu marchait Fabarotte, le héros du jour, paradant en son beau costume, la chemise blanche, les bottines cirées, le gilet de velours du lundi de Pentecôte ou la breloque d'argent tressautée bien en évidence. Il exhibait sa casquette neuve, neuve de 10 ans, depuis le mariage de Campal, une casquette en soie réservée aux enterrements et aux mariages, et légère, miroitante, qui avait des plis savants et dont la visière arrondie effleurait le bout du nez. Fabarotte, en homme tranquille de sa conscience, fumait son petit cigare. Le monde l'accablait de tant de recommandations et de conseils qu'il se contentait de hocher la tête à droite et à gauche. Les chiens même suivaient, flairant les pantalons et les jupes, jappant avec les enfants qui avaient pris congé cet après-midi. Rosette portait une ombrelle pour montrer à Durante qu'elle en possédait une aussi. Mais ni l'une ni l'autre ne s'en servait. Elle faisait les belles dames, voilà tout, côte à côte. Boispeau, parmi les hommes, marchait devant, les mains au dos, riant tout seul, il savait bien pourquoi. Bientôt, à l'automne, les gens le salueraient avec respect, de même qu'il saluait Durante. Agnès, qui n'était encore qu'une domestique, marchait en arrière. Depuis la conclusion des fiançailles, elle n'entrait plus chez les Guitoux. Mais Luc la reconnaîtrait bien, de loin, à ses boucles d'oreilles et à ses mitaines. Gariguette, malgré les chaleurs, s'était enveloppée de son châle de cérémonie, un châle de 100 francs, à menus carreaux de toutes couleurs, un arc-en-ciel. Son mari, au premier rang, se distinguait par un chapeau melon dont les vastes bords ressemblaient à ceux de la barque de Patalocco. Auprès de lui se tenait sous les rôles, la main dans le gilet, en une pose de grand homme. On n'aurait certes point deviné, à cette lévite noire dont les basques frémissaient à chaque pas, un pâtissier de Pézenas. Au bruit du troupeau, les Guitoux, qui étaient prêts d'ailleurs, vinrent se joindre aux camarades en serrant les mains, en caressant les épaules des femmes. On enfila des ruelles où coulaient toujours des ruisseaux, on traversa la place du quai, un quai sans rivière. Les hommes des magasins, en train de fumer la pipe sur le trottoir, les ménagères à cagnardées à coudre, se remuèrent en riant, comme au passage d'un cirque américain promenant sa parade. Et on criait, même de très loin, de la halle aux herbes, « Bacquenois, savez-vous, descendait de la mairie tout à l'heure, même qu'il portait un képi neuf. Un képi qu'il a acheté à Béziers, ce nigo, comme si à Pézenas on n'en vendait pas, » répondit Garrigue. Le troupeau, grossissant à mesure de tous les curieux de la ville, disparut par d'autres ruelles où les oiseaux s'égosillaient dans leurs cages. Au fond d'une rue spacieuse, après le collège, il pénétra sous une voûte mal réchampie, puis dans une vaste cour où l'herbe poussait, d'où s'élevait une longue et haute bâtisse aux fenêtres sans rideaux. On s'engouffra dans le couloir. Par un escalier sonore, on atteignit la salle de la justice. Déjà, dans la partie ménagée au public, il y avait foule. Santou, seul, bien tranquille, s'était assis sur un banc, le premier, après avoir, là-bas, dans la cour, attaché Jacounel à un anneau de la muraille. Peut-être Santou songeait au soleil de la plaine, au moulin si heureux parmi ses verts feuillages, et sous les murs duquel l'eau ronfle comme le feu dans un four. Bien que les témoins eussent leur banc réservé, l'huissier Glossaire éprouva de la peine à les caser, autant de peine qu'à imposer le silence. À chaque instant, un rustre de la foule inventait quelques facéties, entamait un discours politique. Pauvre huissier, rubicon et replé, des lunettes sur le nez, une barbe grise hérissée de colère, il suait, s'agitait, courait dans sa robe noire, dont les amples manches accrochaient parfois un chapeau de femme ou des oreilles. On étouffait. L'huissier dut ouvrir les fenêtres. Pour ne plus laisser entrer du monde, il ferma la porte au loquet. Cette salle exiguë rappelait à Garrigue une étude du collège, avec ses murs glauques, son plafond noir à poutrelles, ses gros bancs de chapelle villageoise. Au fond, sur un tréteau, émergeaient trois tables recouvertes d'un tapis noir à bandes jaunes. La plus grande, au milieu, attendait monsieur le juge. À gauche du juge, celle où le commissaire de police s'installait déjà, un commissaire né à Paris et qui peignait sa barbe blonde d'un air hautain. À droite, celle où l'huissier ne s'asseyait pas deux minutes, tellement il s'occupait à crier « Silence ! Silence !» de sa voix rouillée et maussade. Personne ne le craignait, ce petit glossaire, puisqu'il était né à Pézenas. Il avait beau menacer, la foule criait plus fort que lui. Les moins hardis même le défiaient. « Ouais, glossaire, te voilà maître d'école. Combien le gouvernement te paie pour nous surveiller ? Dis-moi, ce brave juge, où tu l'as mis ? Est-ce qu'il nous gardera longtemps ?» Le commissaire, qui n'était pas chargé de la police des audiences, souriait narquois. Soudain, un cri partit du troupeau paisible des témoins. C'est Campal qui sautait de son banc et, levant les bras, interrogeait la foule. « Et Pataloco ? Diable, où est-il ? Pardi, il doit pêcher, aujourd'hui que Bacquenois comparait devant monsieur le juge. » Mais on cognait à la porte. Ce fut Pataloco, sa tête longue à large favori, sa tête poisseuse qui haletait d'avoir tant couru. Aussitôt impressionné par tant de monde, lui, l'homme des solitudes, il ôta son béret. On le laissa circuler, ce personnage. Baladi baladant, sur ses jambes tordues, il gagna le premier banc auprès de Fabarotte. Puis Bacquenois entra, magnifique, en blouse neuve à collet rouge, le képi neuf sur ses cheveux blancs. La foule un moment dut l'admirer. Fabarotte le salua d'un coup de casquette, Pataloco le plaisanta. « Es-tu de mauvaise humeur aujourd'hui, garde ? Voyons, est-ce qu'on se brouille pour un verbal ?»« Non, tu as raison, je n'ai ni haine ni rancune, j'accomplis simplement mon devoir. »« Tu es un traître ! » s'écria un inconnu de la foule. À cet outrage, l'huissier se dressa avec indignation. Puis solennel parla. « Messieurs, si vous continuez ce vacarme, je vous fais tout sortir. » « T'es, glossaire, tu ne veux pas que nous te chassions par la fenêtre, nous autres, espèce d'écrivains. C'est à nous la justice de paix. Nous sommes des contribuables, nous autres, et des citoyens, tes égaux. » Glossaire battait l'air de ses manches, gémissait, suppliait. On ne l'entendait plus. Seulement, tous les yeux s'ouvrirent ensemble, ardents et attentifs. Glossaire comprit que monsieur le juge se présentait. Monsieur le juge, en effet, ainsi qu'un prêtre apparaissant de la sacristie, montait sur son tréteau par la petite porte du fond. Un beau juge, dans cette robe noire aux rabats tuyautés, sous la toque en forme de tour. D'abord, gêné devant une si nombreuse affluence, lui qui avait l'habitude d'expédier les affaires en petits comités, débarrassa lentement des manches de sa robe ses mains fines et maigres. On vit briller à l'annulaire son alliance d'or, une alliance vaine, puisque monsieur le juge n'était pas marié. Mais il lui plaisait de le paraître, de poser en homme de bien et de vertu. Ne disait-on pas dans Pézenas qu'aux prochaines élections législatives, des amis sûrs lanceraient la candidature de monsieur Crax ? Aussi s'efforçait-il d'augmenter ses partisans, de fortifier sa popularité. Monsieur Crax, naturellement, était de Pézenas, de race profonde. Son père, un des plus considérables marchands de vin du pays, l'avait élevé dans ce vieux collège d'où le juge pouvait aujourd'hui, de la fenêtre de son cabinet, contempler le jardin botanique. Au cercle, ses camarades de classe le plaisantaient sur ses pénibles travaux d'étudiant au baccalauréat et riaient de son masque grave de justicier. Il n'était pas le dernier à rire d'ailleurs. Monsieur Crax avait sollicité sa charge par dilettantisme afin de ne pas trop s'ennuyer dans son existence de rentier célibataire, réduite à jouer aux cartes dans les cafés du matin au soir, à se promener durant des heures interminables sous les platanes du Planol. Dans l'exercice de sa charge, le goût lui vint tout doucement de s'étaler et de parler au peuple. Maintenant, ma foi, il était tenté de nouer à ses reins une écharpe de député et d'aller à Paris voir des femmes bien vêtues, fréquenter des théâtres bien éclairés. De naturel modeste en somme, d'apparence timide, il échappait avec mille précautions aux médisances. Ses manières étaient empreintes d'une simplicité, d'une certaine nonchalance qui étonnait en séduisant. On l'aimait, on le prônait un homme savant et distingué, qui jamais n'avait fait perdre un sou à qui que ce fût. S'il entrait à la chambre, on posséderait au moins dans Paris un citoyen de Pézenas, un vrai compatriote, né au cœur de la ville, près de la halle, connaissant son clocher, respirant son esprit et son âme, et non plus un de ces avocats de Béziers qui ne cherchent, dès leur élection, qu'à conquérir la fortune et à devenir ministre. Ainsi donc, M. Krax se laissait vivre dans les plus glorieuses espérances. Seulement, il ne lui faudrait pas rencontrer chaque semaine des affaires aussi scabreuses que celles d'aujourd'hui. La Providence semblait déjà vouloir l'éprouver. À lui de démontrer au monde avec quelle adresse il savait se tirer des pires embûches. Impossible d'hésiter. Fabarot et Patalocco avaient tous deux enfreint les lois. M. Krax irait-il les condamner ? Mentirait-il à son laborieux passé d'indulgence ? De quel sarcasme ne serait-il pas poursuivi dans la rue Saint-Jean, à travers toute la ville, s'il touchait à Fabarot, un boutiquier si ancien, un sage qui, depuis la guerre, refusait d'entrer au conseil municipal ? C'est que, pour l'embarrasser, M. le maire, son rival peut-être aux élections législatives, avait nommé dernièrement parmi les gardes un osseur repenti, le plus hargneux des fonctionnaires. Bacquenois n'était pas malléable du tout. Lorsqu'une fois, il avait conçu qu'un maraudeur méritait l'amende, il s'acharnait après lui sans relâche. Lors des quatre audiences où Bacquenois était venu porter sa parole sévère, des disputes avaient éclaté entre lui et le juge, pourtant si débonnaires. Aujourd'hui, la bataille s'annonçait terrible. Bacquenois, debout contre le mur, les regards fixés sur le peuple, attendait avec impatience l'instant de venger l'autorité municipale trop bafouée en sa personne. M. Krax, qui était myope, examinait son tas de paperasses sur la table, rangé d'un geste fiévreux, ses lunettes à branches d'or et à verre fumé. Enfin, il dévisagea tout son monde, ôta gravement la toque. On vit alors sa jolie tête lavée, sa moustache rousse, ses pommettes saillantes, son crâne chauve, glacé comme une porcelaine rose, où florissait sur le sommet une énorme verrue rougeâtre, pareille à une de ces petites poires de la Saint-Jean que les écoliers vont le jeudi dérober dans les enclos. Il prononça dans le silence « Huissier, lisez !» Glossaire saisit la requête, un papier timbré couvert de sa grosse écriture, et appela Patalocco. Celui-ci, tout déhanché, s'avança vers le tréteau, son béret dans les mains. Bientôt, Glossaire ayant terminé sa lecture, M. Krax poussa un soupir. Puis, son menton grassouillé entre les doigts, il interrogea l'accusé. « Voyons, Patalocco, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?»« Ma foi, monsieur le juge, oui, je les reconnais. Seulement, j'en demande excuse, ce n'est pas moi qui ai causé le scandale de la rue Saint-Jean. »« C'est bien, attendez. » M. Krax tourna vers Bacquenois ses lunettes noires, sa face rosée qui, spontanément, changea d'attitude. Car il parla, rogue, avec une moue d'irritation. « Et vous, qu'avez-vous à répondre ?»« Moi, la requête ne relate pas encore les trois quarts de la vérité. »« Bon, avec vous, il n'y aurait que des pirates à Pézenas, plus de pirates au Cotonquin. »« Monsieur le juge, Patalocco détruit beaucoup de poissons dans notre héros. »« Depuis ma nomination, c'est-à-dire depuis un mois, je le guettais chaque jour et j'ai fini par le prendre. »« Il faut lui infliger une leçon, je le répète. » « Assez, la cause est entendue. Vous, Patalocco, il est évident que si, aux environs de Pâques, vous détruisez le poisson de l'Hérault, vous n'aurez pas des pêches abondantes en été, à l'époque où les bonnes fritures de cette rivière ont tant de succès. Vous privez donc vos concitoyens d'un mets fort prisé en même temps que vous endommagez vos propres intérêts. Comprenez-vous ? Oui, monsieur le juge. Eh bien, ne soyez pas cruel. En outre, vous le voyez, on vous surveille. » Pataloco, intimidé par la foule qu'il sentait grouiller derrière son dos, étendit les bras en tâtonnant, comme s'il eût cherché à les poser sur ses rames, et d'un élan, il répondit « Que voulez-vous ? La nature, c'est plus fort que moi. Ah, pas moins ce brave Bacquenois. Il sait bien que je ne suis pas méchant, que je ne maraude jamais, et qu'autrefois, je lui donnais de mon poisson. Je te le payais quand tu me le donnais. D'abord, tout ça n'est pas la question. Monsieur le juge, cet homme mériterait plus qu'une amende. Vous, Bacquenois, je ne vous ai pas interrogé. Seulement, puisque vous parlez, dites-moi si vous êtes sûr que Pataloco récidivera. Non ? Eh bien, d'ailleurs, il me promet d'être raisonnable, d'observer la loi, cette loi que nous n'avons pas votée, nous autres, mais que tous, du plus grand au plus petit, nous devons également subir. Bien, la cause est entendue. » M. Krax, s'étant mouillé les doigts aux lèvres, feuilleta de nouveau ses dossiers. Pataloco se rasseyait sur le banc avec modestie, tandis que Bacquenois, roulant ses gros yeux, ruminant dans sa barbe, tapotait le parquet à petits coups énervés de sa canne. Dans la foule, on admirait le juge, on se remuait agréablement. Tout de même, M. Krax parle bien. Tu as vu comme il t'a mis Bacquenois à sa place ? À la chambre, il va t'écraser les ministres par des interruptions. Le commissaire de police, les jambes étendues, se peignait la barbe, indolemment, portait souvent son mouchoir parfumé de violettes sous le nez pour éviter l'odeur d'écurie qui se dégageait du peuple. Grosset, bouffi dans sa robe, appela Fabarotte, puis entama la lecture d'un second papier timbré, mais rapidement, en tourbillon cette fois, pressé qu'il était d'aller arroser son jardin à la grande route de Montagnac. Fabarotte, sa casquette en main, s'avança vers le tréteau, fixa sur ses jambes courtes sa corpulence, son ventre bienheureux où pendait la breloque d'argent. Cependant, Glossaire n'en finissait plus de lire son histoire nouvelle. Enfin, il cracha, retroussa ses manches et s'assit à sa table. Monsieur le juge, alors, posa les mains sur ses dossiers, leva le front avec beaucoup de respect devant un vieillard qui était de la génération de son pauvre père, et il le questionna. « Reconnaissez-vous, monsieur Fabarotte, les faits qui vous sont reprochés ?»« Oui, monsieur Krax. » « Ah, ici, il n'y a plus de monsieur Krax. Je suis un magistrat, je suis monsieur le juge. Comprenez-vous ?»« Oui. » « Eh bien, savez-vous que, ce lundi de Pentecôte, vous avez oublié, vous aussi, qu'il existe des lois interdisant à quiconque d'offenser la propriété d'autrui ?»« C'est la première fois, PKR, que ça m'arrive. Ce sera la dernière, je le jure. » Fabarotte leva sa main droite solennellement. Dans la foule, on se mit à rire, mais le juge, rien que de hocher la tête, imposa le silence. Et brusque, il interpella le garde. Vous, qu'avez-vous à m'apprendre ? Oh, rien ! Fabarotte avoue lui-même son délit. Quant à moi, je me demande si un citoyen, même les plus sérieux de Pézenas, a le droit de fouler les moissons. Si chaque jour, chacun de nous détruisait pour plus de 20 francs de blé, les moulins ne travailleraient guère. Garde, je remarque d'abord que vos expressions et vos manières manquent de déférence envers la magistrature. Entendez-vous ? Et je m'emporte parce que je soupçonne qu'il en sera de cette affaire comme de la première. Garde, je n'ai d'ordre ni de conseil à recevoir de personne. Oui, je le répète, si vos collègues traquaient avec autant de ténacité les gens de leur territoire, tous les habitants de Pézenas défileraient devant moi. Ce n'est pas une audience par semaine qu'il me faudrait tenir, c'est une audience par jour, entendez-vous ? Voyons, dans nos campagnes de l'Hérault, il n'y a pourtant que vos compatriotes, des hommes après tout. Dans la foule, on murmurait des bravos, cette rumeur bienveillante encourageait M. Krax. Bacquenois commençait à défaillir. Seul, réprimandé par son maître au milieu de tant de monde, il baissait le front, penaud, et se rongeait les poings. « Quant à vous, poursuivit le juge en s'adressant à Fabarotte, je vois avec regret ici vos cheveux blancs. Quelle douleur ce serait pour votre famille si vous tâchiez, à votre âge, un casier judiciaire qui est intact. Allons, apportez désormais plus de discernement dans vos démarches, même un jour de fête. Pour cette première contravention, j'userai de clémence. Ma foi, il ne me paraît pas utile d'entendre les témoignages de ces messieurs et de ces dames. Vous ne récidiverez pas, je pense, monsieur Fabarotte ? Certes non. Vous pouvez vous retirer. » La foule aussitôt se bouscula en des remous. Les hommes se recoiffèrent de leurs chapeaux ou de leurs casquettes, les femmes arrangèrent les plis de leurs robes. On riait sous cape, on épiait Bakenois de travers en sortant. Ce fut un désordre pire qu'à la sortie de la messe. Plus on poussait, moins on avançait. Dans l'escalier, on s'arrêta un moment, puis on repartit soudain en une dégringolade de futailles. Campal, au milieu du peuple, clama « Voici notre garde qui arrive !» On se détourna et l'on vit, en effet, Bakenois là-haut, sur la première marche, dressé dans sa blouse luisante. Sous le képi à large visière, sa face rose de bon seigneur, à la barbe fleurie, riait pleinement comme autrefois. « Ah, par exemple, cria-t-il, les campagnards peuvent bien danser la farandole sur mon territoire. Quoi ? Me faire du mauvais sang pour n'attraper que des réprimandes ? Ah, si la terre a vécu jusqu'à moi, elle vivra bien après. Et aïe donc, allons-nous-en nous promener à la rivière et fumer la pipe sous un olivier. » Bravo, bravo, Bakenois ! On lui tapa sur les épaules, on le souleva violemment d'un groupe à l'autre. Les bras en l'air, dodelinant de la tête, Bakenois riait davantage. « Pourtant, non, dit-il, laissez-moi. Oh, pas à cause de mon autorité, ce que je m'en moque maintenant, mais à cause de ma blouse et de mon képi. »